c'est le nom des gens que j'apprécie, des amis, des gens de ma famille, des gens que j'aimerai pour toute la vie. Non, ce n'est pas fini. Parce qu'il vient d'Isset, on tripe tout dessus, c'est notre idole Marc-André. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Qui t'appelle pour pièce? Non, ce n'est pas fini.